Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille. Grand plaisir de vous retrouver ce soir pour le début d'une autre saison, une dixième saison et pas la moindre, puisque je profiterai des prochaines émissions pour faire surgir quelques-uns des nombreux moments forts de l'astre sonore, son histoire, ses figures de proue, ses voix d'avenir. La Croche-Oreille, c'est une émission dédiée aux arts sonores, à l'exploration des musiques nouvelles et aux sonorités inclassables, ces sonorités qui nous transportent ailleurs. Une émission, bref, dont le but est d'alimenter notre imaginaire sonore. Vous écoutez ça sur les ondes de CKRL, le 89.1 à Québec, la radio qui aime le son, et sur la toile à ckrl.qc.ca. Alors voilà, je vous propose ce soir une mini-rétrospective des rencontres menées au cours de la saison dernière avec des artistes qui travaillent avec la matière sonore. Et je débute la soirée avec l'artiste sonore, musicienne Claude Périllard, avec qui j'ai eu la chance de converser au cours de l'été 2021 à propos de son tout dernier projet intitulé Synapse, un album paru en juin dernier et qui se veut l'aboutissement de séances d'improvisation avec un tourne-disque, des vinyles de chants grégoriens, des synthétiseurs modulaire et l'ordinateur, rien de moins. On dit de Claude Périllard qu'elle est une artiste en quête d'exploration, que son désir de dire et d'affirmer ses convictions s'avère le moteur de son œuvre, une œuvre à plusieurs volets, à la fois politique, féministe, philosophique, en tout cas des propositions très engagées. On écoute la pièce Synapse ainsi que les propos de Claude Périllard. Cet album-là consistait surtout en... Je me suis acheté des petits synthétiseurs modulaires après d'avoir commencé à expérimenter le no input parce que j'essayais de me détacher un peu de... Dans ma pratique performative, souvent, c'était beaucoup basé sur des échantillons, un contrôle. Ça passait beaucoup par l'ordinateur, en fait. Puis ça me permettait d'avoir des pièces très contrôlées, très composées d'avance quand je faisais des performances. Mais là, j'avais envie d'explorer plus, justement, les systèmes analogiques. Puis la magie un peu de ces machines-là qui ont une vie propre en elles-mêmes. Là, tu sais, que la machine décide un peu elle-même le son qui va sortir. T'sais, toi, tu tournes des boutons, tu fais des connexions, mais ça reste toujours des surprises. Puis c'est comme si les machines avaient une vie inhérente en elles-mêmes. Et puis, donc, en fait, la démarche de cet album-là a commencé comme ça. Ce système-là de connexion entre... De faire différentes connexions entre comme différentes composantes électroniques pour composer un circuit, ça me faisait penser aux circuits neuronaux, en fait. Donc, les différentes connexions neuronales qu'on a dans notre cerveau. Puis, tu sais, de la même manière, dans notre cerveau aussi, tout au long de la vie, il y a des connexions qui se font, qui se défont, qui se transforment. Le cerveau est plastique. Je trouvais qu'il y avait une belle analogie à faire entre les systèmes modulaires puis les connexions neuronales. Puis aussi, dans ce projet-là, je mettais en opposition des sons très noise et électroniques, analogiques, si tu veux, de petits synthétiseurs modulaires. Je les mettais en opposition avec des vinyles de chants grégoriens dans un tourne-disque que je passais aussi dans une pléiade d'effets numériques. Fait qu'il y avait comme aussi cette thématique-là de la mémoire collective, puisque les chants grégoriens, c'est des chants du Moyen Âge, la musique occidentale est issue de ces chants-là, si on veut. Donc, de mettre ça en... Il y avait comme un discours sur le lien entre les différentes époques musicales, mais aussi les différentes époques, tu sais, de l'humanité, si on veut. Puis, donc, la mémoire aussi qu'on porte, la mémoire comme... Notre expérience du monde est quand même entièrement façonnée par toutes les générations précédentes puis tout le bagage culturel précédent que les populations ont traversé, si tu veux, puis qu'on porte en nous à la fois à travers notre bagage génétique, mais aussi à travers notre bagage culturel. Donc, c'était un peu ça, la référence pour le titre. Roxane Turcotte fait partie de ces pionnières de l'art sonore et de l'expérimentation électronique qui prend son envol au Québec, notamment au début des années 80, avec l'apparition des premières initiatives d'enseignement de la composition et de l'expérimentation sonore en milieu universitaire. Roxane Turcotte sera la première femme diplômée à la maîtrise en composition électroacoustique à l'Université de Montréal. Ça se passe en 1988. Compositrice et conceptrice sonore et parfois visuelle, elle coproduit en 2019 Les Oiseaux de Nias avec Montréal Nouvelle Musique, la SMCQ et la SAT. Il s'agit d'une création mixte pour 25 APO, traitements et supports multicanal spatialisés, une œuvre complexe qui fait appel à plusieurs interprètes. Roxane Turcotte, on l'écoute à propos des Oiseaux de Nias, c'est tiré d'un album récent intitulé Réverbère. Là, j'ai essayé de faire une histoire courte parce que ça serait long. Mais oui, effectivement, il y a des petits sons d'oiseaux, des fois, des clins d'œil dans beaucoup de pièces. Mais celle-là, c'est vraiment accentué là-dessus. Comme je disais tantôt, je pars toujours d'une idée, d'un thème, d'un scénario. Dans le fond, c'est de la musique de film que j'aurais voulu faire, moi, dans ma vie. J'ai tellement voulu puis essayé parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Et en électro, c'est un peu ça aussi. Donc, les oiseaux de Nias, ça vient d'une émission que j'ai écoutée beaucoup à TV5 en France. Et le sujet était sur Nias, qui est une petite île tout près de Sumatra, en Indonésie. Et sur cette île, les gens, ils capturent les oiseaux, puis ils les mettent dans des petites cages miniatures. Et là, ils passent leur vie là, dans ces petites cages-là, puis sont en train de vraiment d'enlever les oiseaux des forêts. Mais ils les aiment, ces gens-là, ces oiseaux. C'est là que moi, j'étais ambivalente aussi quand j'ai voulu parler de ça. Mais ça m'a tellement frappée que j'ai fait une œuvre là-dessus. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches et tout ça. Et je sais que les gens aiment les oiseaux. Ils font un concours de chant qui s'appelle le Gazouillis Mania. Et je ne sais pas quoi penser dans le fond. Parce qu'on ne veut pas accuser ces gens-là qui vivent souvent dans la pauvreté et tout ça et qui essaient de tirer bon. Mais en même temps, c'est comme le conflit entre les deux. Mais les oiseaux, c'est des oiseaux magnifiques. Mmh. Et puis là, j'ai fait comme un lien avec l'être humain, un parallèle. Comment ils vivent en société, les oiseaux, et comment l'être humain vit en société, les dilemmes qu'il y a entre les différents groupes, comme ce qui se passe en ce moment, là, depuis la pandémie et tout ça, c'est fou, là. Je regarde ça, là, puis je me dis, mon Dieu, ça va tout à fait bien avec mon œuvre. Je vois comment les gens sont, puis je vois comment les animaux fonctionnent. Des fois, je trouve qu'ils fonctionnent mieux que nous autres. Et c'était un peu ça l'idée. Mais pour faire une histoire courte, j'ai fait des recherches pendant plusieurs années. Je pense que j'ai commencé en 2017, puis l'œuvre, c'est même avant, en 2016. L'œuvre s'est terminée. Je pense que j'ai fait une première version à la SAT, dans la SATosphère, spécialisée, tout ça, avec un programme de l'Université de Montréal là, qui a été conçu par Robert Normandeau. Donc, l'idée, c'était de recréer un peu cette ambiance-là. Donc, mais il y a toujours la lueur d'espoir qui est là. Il y a toujours un peu d'aspect humoristique. Ça va toujours revenir, comme j'ai un perroquet, moi, et puis à un moment donné, on l'entend à travers ça. Puis, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est à force de l'écouter. Ah, ben oui, je viens de l'entendre. Il parle, mon perroquet, puis il dit des choses. Donc, il y a des côtés un peu enfantins, je dirais. Mais quand même, c'est tout l'aspect social, comment ça fonctionne. Puis il faut dire que c'est mix, hein? C'est une œuvre avec des musiciens en direct et toujours les mêmes. Je suis très fidèle à mon monde, j'ai beaucoup de collaborateurs et ça a été très le fun à faire, avec des apôtres. Tout à fait, on écoute ça. L'appel. Un appel à la dissidence. Un cri de détresse. Un chant. La résilience. Autodestruction. J'avais entendu parler de ces oiseaux magnifiques que l'on capture pour un... Roxane Turcotte, Les oiseaux de Nias, un extrait, bien entendu. J'ai rencontré l'artiste sonore, musicien, compositeur Louis Dufort l'an dernier. Il est enseignant et directeur artistique du Festival de sonorité immersive Acousma, festival présenté à Montréal à l'automne. Il mène depuis plus de 20 ans une démarche de création souvent inspirée par l'esprit du temps qui gouverne la planète. Si on pense, par exemple, à ce projet évoquant, il y a un petit moment tout de même, la guerre au Kosovo. Puis, ses plus récents travaux que lui inspirent l'état du climat, allonger les grandes forêts. Faut aussi dire que Louis Dufort s'est révélé un collaborateur artistique important, notamment pour la compagnie de danse Marie Chouinard, pour laquelle il a créé des univers sonores. Louis Dufort a aussi produit, il y a quelques mois, un bel album intitulé « Volume », dont la trame de fond a été enregistré dans la forêt boréale du Québec, un album qui se prolonge dans ce tout dernier album intitulé « Into the Forest ». Dufort raconte que son intérêt pour la forêt est holistique, c'est-à-dire qu'elle m'inspire, dit-il, autant dans sa structure intrinsèque, son organicité, ses couleurs, ses odeurs, que dans son mystérieux pouvoir d'évocation sur notre propre nature. Je referme les guillemets. On écoute Louis Dufort à propos de l'album « Volume ». Premièrement, on a des périodes en tant que... En tout cas, moi, j'ai des périodes en tant que compositeur, mais c'est des périodes quand même assez, assez longues. Puis là, je te dirais, depuis presque une dizaine d'années, même si au début, c'était pas tout à fait clair, c'est que je me dirige vraiment... moi, ce qui m'inspire, c'est vraiment une musique... ça va sembler peut-être un peu... Je veux pas que ça semble prétentieux, là, mais ça va peut-être sonner comme, un peu comme ça. C'est que c'est une musique pure, dans le sens que c'est pas tout à fait clair. Là. Il faut que je définisse ça davantage, mais dans ma tête, une musique pure, ça a existé à l'époque baroque, par exemple, ou les fugues de Bach. Ou c'est pas une musique nécessairement... ce que j'entends par musique pure, c'est que c'est pas une musique à programme. C'est pas une musique qui nécessairement va s'inspirer... En tout cas, va vouloir délivrer un message. Bon, ça, c'est d'une part. D'autre part, quand j'entends musique pure, c'est une musique qui, pour moi, lorsque je la compose, je vais laisser beaucoup de place à la musique elle-même, c'est-à-dire à la manière que... parce que pour moi, une composition, il y a un facteur très organique là-dedans. Puis lorsqu'on fait de la musique qui ne sont pas à partir de notes ou avec des instruments reconnus, déjà là, ça l'ouvre à un univers, disons, qui peut être assez complexe, puis de voir comment des sons peuvent réagir entre eux, interagir entre eux, ça demande une certaine ouverture puis une certaine organicité dans son approche de composition. Donc, je crée beaucoup de systèmes qui sont ouverts, qui permettent de faire proliférer de la matière, et puis cette matière-là, je la fais interagir entre elles, et puis c'est un peu elle, finalement, qui va décider un peu de sa structure, puis de c'est elle qui va s'immiscer dans mon propre processus de composition. Donc là aussi, il y a une certaine pureté au sens où c'est pas nécessairement une émanation émotive ou je vais pas donner de direction en guillemets humaine. Je veux pas aller dans du pathos, je veux pas aller dans du dramatique, je veux pas aller dans du narratif. Je veux vraiment que la beauté, en fait, de l'œuvre se déploie par elle-même, par l'intérieur d'elle-même. Et par rapport à ça, par rapport à ce processus-là, c'est là où je me suis intéressé beaucoup à la forêt, en quelque sorte, et d'où est né Volume. Et le prochain disque qui va sortir aussi sur Empreinte Digitale, ça fait une dizaine d'années que j'ai une espèce de désir dans ma musique d'essayer de recréer l'état dans lequel je suis lorsque je prends des marches en forêt. Je fais beaucoup de randonnées, je fais beaucoup de trail running aussi, puis il y a quelque chose dans la structure interne de la forêt, de façon systémique, là, dans tout ce que ça concerne, les odeurs, les bruits, les couleurs, comment prolifère du lichen sur une roche, par exemple. Tout ça, je trouve ça hyper beau. Je trouve ça super intéressant. Puis effectivement, la forêt n'est pas triste, n'est pas heureuse. Il y a une certaine neutralité dans la forêt, puis c'est ça que je trouve intéressant. Donc, il y a un aspect peut-être que certains pourront qualifier de structuraliste, là, mais je me lie pas du tout avec ce mouvement-là. C'est vraiment plus une approche organiciste de la composition. On vient d'entendre une œuvre de Louis Dufort tirée de ses derniers travaux, Volume et Into the Forest. Je vous propose maintenant le regard chaleureux de l'artiste, musicienne, compositrice et exploratrice sonore Ida Toninato. On dit qu'elle est guidée par un fort désir d'immersion dans le son et dans l'espace. Son jeu au saxophone est d'ailleurs électrisant. Ses performances sont d'une grande sensibilité pour ceux qui ont eu la chance de la voir en spectacle. Moi, je l'ai rencontré ici, à Québec, il y a deux accalmies virales déjà, pour mémoire. Alors, après s'être frottée au répertoire classique contemporain pendant quelques années, Ida s'est investie à l'exploration du monde sonore à travers ses avatars musicaux, poétiques et performatifs, ses récents albums Strangeness is Gratitude et cet autre album We Become Giants en sont une résultante vraiment probante. Ida est titulaire d'un doctorat en interprétation de l'Université de Montréal, très active sur la scène musicale expérimentale montréalaise. Elle sera d'ailleurs à Tit for Minds au mois d'octobre dans le cadre des musiques parallèles. Alors, Ida Toninato nous parle de cet album intitulé « We Are Giants ». Alors, en fait, j'avais commencé à me dire, ben, dans le fond, moi, ce que j'aimerais, c'est explorer différents espaces réverbérants pour différents albums. Parce que la musique qui est créée est toujours différente, dépendamment de la réverbération, de la texture, la couleur, les machins, les patatifs, enfin bref. Tous les phénomènes sonores qu'on entend qui sont propres à un espace et qui ne peuvent pas exister vraiment ailleurs. Et j'en parlais avec un ami, puis il m'a dit, ah, est-ce que tu as déjà entendu parler du Tang Center for Sonic Arts? Moi, j'ai dit, ben, non. Puis il m'a dit, ben, tu devrais. Puis il m'a envoyé un article qui parlait de cet endroit. Alors, le Tank Center for Sonic Arts, c'est au Colorado, de pas très loin de Denver. Et c'est une ancienne citerne à eau. L'histoire de la citerne est vraiment drôle parce qu'elle a été créée à l'époque du chemin de fer, des chemins de fer à vapeur, si je ne me trompe pas, pour donc servir vraiment... Ça a été créé comme une citerne qui devait recevoir de l'eau. Quand ils ont versé de l'eau dedans, ils se sont rendus compte que la structure était trop fragile et elle ne supportait pas le poids de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Le chemin de fer n'est jamais passé par là. Donc, ils avaient cette citerne. Après ça, ils l'ont quand même utilisé comme citerne à eau pour les industries pétrolifères qu'il y a aux alentours. Mais c'est là qu'ils se sont rendus compte que la structure ne tenait pas le coup. Donc, ils ont voulu la démonter. Mais entre-temps... Il y avait des musiciens du coin qui s'étaient mis à jouer là-dedans parce qu'il y a 40 secondes de réverbération. C'est fou. C'est circulaire, c'est tout en métal. On entend le vent qui siffle quand il y a des tempêtes de vent. Puis, tout autour, dehors, c'est le désert. Donc, c'est vraiment un contraste incroyable entre un son qui est énorme, qui dure très longtemps, qui est très, très dense. Puis, quand tu passes la porte, plus rien. Le silence total. Et donc, les musiciens du coin se sont constitués en association pour pouvoir... protéger cette citerne, empêcher qu'elle soit démontée pour être vendue en pièces détachées. Et au fur et à mesure, ils ont construit un studio à côté, ils ont installé des micros à l'intérieur, puis maintenant on peut venir la louer pour l'enregistrer. Et tu as fait une session de travail dans cet espace magnifique. Oui, j'y suis allée pendant 5 jours, je pense, avec un ingénieur du son qui s'appelle Blaise Bourbon-Léonard, mon réalisateur de studio préféré. Puis on est allé enregistrer là-bas. Et on a enregistré je ne sais pas combien d'heures de son. On a fait vibrer des trucs. On a vraiment, vraiment trippé. On a enregistré beaucoup de vent aussi parce qu'à un moment, quand on était là-bas, il y a eu une tempête de vent. Donc, c'est de jouer avec l'espace puis de jouer avec tous les sons qui circulent à l'intérieur de l'espace parce que ça en fait la richesse. Puis après ça, on est retourné en studio puis on a écouté tout ça et on a essayé de créer un espace artificiel qui répondait à l'espace naturel qu'on avait enregistré. Et le We Become Giants, bah c'est cette citerne tellement énorme, tellement gigantesque, qui inspire, en fait, qui prend le son et qui le fait devenir tellement grand que ça devient beaucoup plus grand que nous-mêmes. D'où le titre « On est des géants en devenir ». Thank you. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission sur des sonorités d'Ida Toninato. Alors je vous reviens après un bref battement promo. CKRL. Communication, culture. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, c'est La Croche-Oreille jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste des pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Alors, voilà, première émission de la saison pour se faire l'oreille à ces nouvelles sonorités issues de projets de création des artistes sonores et musiciens, compositeurs qui explorent de manière expérimentale, je dirais, la matière sonore ainsi que le lexique, le vocabulaire musical. Et on poursuit ça avec des rencontres que j'ai réalisées en cours de saison dernière, histoire de donner le ton aux émissions de la prochaine saison. Musicien, auteur, compositeur et créateur multidisciplinaire, Michel F. Côté est une figure majeure de la création sonore du Québec. Il fait partie, Michel Côté, de ces créateurs aux horizons multiples, inclassables et rebelles aussi aux idées toutes faites. Dans un entretien, il affirme d'ailleurs que son credo combine la curiosité, l'errance et une affection pour l'amateurisme. Multi-instrumentiste, Michel F. Côté entretient ses appartenances à de très nombreux groupes. Je les nomme Klaxon Gueule, Mecca, Fix Clox, Pink, Saliva et j'en passe plusieurs. Il a travaillé avec le monde du cinéma, de la danse et du théâtre. Chroniqueur à la revue d'art actuel S, il multiplie depuis une trentaine d'années des projets sonores et musicaux qui mobilisent toute une communauté d'artistes complices. Michel Côté nous parle de ce vocabulaire tiré de l'album Hydropathe à degré, un album qu'il lançait en 2021, sinon début de 2022. Alors, on écoute les propos de Michel Côté. Michel F. Côté, pardon. Ben, j'aime bien la jonction entre ce que j'appellerais des termes techniques rétro-futuristes et une sorte de poésie qui émerge de ça. Pourtant, on sait bien que dans la science en général ou dans les termes techniques, il y a en général peu de poésie, ça n'appelle pas la poésie, mais on peut la débusquer si on s'amuse. Et dans le cas précis de cet album-là, comme dans le cas de plusieurs autres albums, en général, ce que je fais, c'est que j'ai choisi un bouquin. Un seul bouquin. Et à partir de ce bouquin, je trouve tous mes titres. Le bouquin est toujours un peu lié au projet d'une manière ou d'une autre, symboliquement ou autrement. Et dans ce cas-ci, j'ai fait affaire avec un petit livre extraordinaire publié en 1898 qui s'appelle Manuel, je ne l'ai pas sous les yeux, Manuel des électriciens. C'est un petit manuel belge pour les électriciens de la fin, donc, du 19e siècle. Et tous ces termes proviennent de là. Je les ai modifiés un peu comme ça, mais véroscope, ça vient de là. Alternomoteur, machin, bon, tout ça. Ça vient de là-dedans. Et c'est un petit livre illustré, magnifique. C'était un vrai manuel pour de vrais électriciens. Et à l'époque, l'électricité est en pleine explosion. Alors donc, il y a plein de nouvelles compagnies d'inventeurs qui apparaissent et qui inventent des machins qui ont fonctionné ou pas et qui proposent des alternatives nouvelles avec cette énergie nouvelle qui est l'électricité, etc., etc. Alors ça marchait très bien avec l'idée de ce disque un peu comme ça, rétro-futuriste, autre chose, une spatio-temporalité qui nous échappe légèrement, quoi. Très belle pièce de Michel F. Côté. J'ai rencontré Bernard Falaise il y a quelques semaines à Montréal. C'est comme ça que je débutais ma présentation il y a quelques semaines. Alors, c'était suite à la sortie de son dernier album intitulé « Go Solo », toile de fond d'une conversation fort sympathique sur les tenants et les aboutissants de la création sonore et musicale actuelle. Compositeur, improvisateur, Bernard explore depuis de nombreuses années le potentiel sonore de la guitare électrique. Explorer le potentiel de la guitare préparée pour Falaise, c'est prolonger, exploiter, transformer, détourner les sonorités habituelles de l'instrument à partir d'instrumentation électronique, bien sûr. On connaît tous les effets insoupçonnés des pédales d'effet, mais aussi en insérant entre les cordes ou bien en jouant sur les cordes avec des objets de toute nature, ustensiles, cuisines, archets, patentés. En somme, tout ce qui favorise, selon Bernard Falaise, l'émergence de l'accident sonore, l'inattendu, susceptible d'ouvrir ici et maintenant une piste de création, une idée de composition, la source, de dire Bernard, de toute démarche d'improvisation. Quelle belle définition que celle de Bernard Falaise à propos de l'impro. Alors voilà, on écoute les propos de Bernard Falaise à propos de cet album intitulé « Go Solo ». C'est de la faute à Scott Thompson, qui est le directeur artistique du Festival de Guelph. Il avait invité Klaxon Gueule, un groupe duquel je fais partie, Puis cette année-là, je pouvais pas, pour une raison ou pour une autre, y aller. Fait qu'ils sont allés, Michel F. puis Alexandre Saint-Onge sont allés avec Sam Chalabi comme guitariste, un autre projet. Puis Scott m'a invité l'année d'après, mais en solo. Puis je fais très peu des solos de guitare, en fait, en spectacle. Ça arrive pas souvent, ça m'est pas arrivé souvent. Je trouve ça assez difficile, assez exigeant. Mais je l'ai fait à Guelph, puis j'y ai pris beaucoup de plaisir. Puis quelques mois après, c'est la pandémie, fait que... Donc, je m'installe chez moi, puis j'enregistre des solos de guitare. Je me dis, ben j'avais aimé ça, je vais continuer en solo, vu que je suis tout seul à la maison, de toute façon. Donc, ce disque-là est parti de cet état de fait-là, que j'étais tout seul, puis que j'étais poigné tout seul. Puis, je me suis dit, ben j'avais aimé l'expérience live, pratiquons donc ça de plutôt que pour toutes les autres disques, j'ai tendance à enregistrer, puis ensuite découper un petit morceau, replacer, me multiplier par 20 au besoin, finalement comme gosser sur la toune jusqu'à temps qu'elle soit... Là, c'est plus rough. Je joue, puis il n'y a pas d'overdub. Mais par contre, ce qui est arrivé, c'est que j'en ai enregistré, je sais pas, peut-être 60 improvisations, puis j'en ai gardé une dizaine, quoi, à peu près, 12, je pense. Donc, c'est comme la pointe de l'iceberg, mais c'est plus rough que les autres 10, mais c'est plus un témoignage de ce que je peux faire en concert, mettons. Qu'est-ce qui était déterminant à l'écoute et qui faisait que tu conservais certaines de tes solos et d'autres pas? C'est tellement dur à expliquer. Ben c'est... Il y en a des réussis, des moins réussis, mais qu'est-ce qui fait qu'on... quelqu'un d'autre pourrait avoir un choix complètement différent, en fait? Est-ce que c'est intuitif, finalement? Parce qu'au fond... Oui, je pense que c'est intuitif. C'est en l'écoutant, des fois, c'est des choses que j'ai faites plusieurs fois, puis là, j'arrive à une construction satisfaisante. Ou des fois, ça arrive, il y a un accident, puis je trouve quelque chose de nouveau pendant que je joue. Puis là, c'est un moment qui devient vraiment excitant, puis ça s'entend, je pense, quand à coup, hop, il y a une affaire qui ne s'est jamais passée, qui débarque, puis là, tu joues, tu jongles avec, puis j'essayais aussi de faire des pièces plus longues, parce que sinon, c'est facile, tu sais, découper une série d'extraits de 2 minutes, puis il y en a, tu sais, qui durent 12 minutes sur le disque, puis ils sont très peu édités, mais c'est comme une espèce de parcours à ce moment-là. C'était une des préoccupations, arriver à des formes satisfaisantes, là, tu sais. Bernard Falaise à la guitare. J'ai rencontré Rémi Bélanger de Beauport la saison dernière, musicien, violoncelliste, notamment compositeur, improvisateur et performeur. Il développe depuis de nombreuses années une approche expérimentale de la musique et des sonorités basées, dit-on, sur l'intuition, les interactions avec le corps et ses environnements. Il crée et il réalise depuis 2003 de nombreux projets de diffusion, des performances et des enregistrements en solo, en duo, en trio, avec de grands ensembles aussi. Rémi dirige l'ensemble de musique improvisée de Québec et il collabore régulièrement avec des artistes du domaine de la danse, de la poésie et de l'art performance. Il va sans dire que Rémi Bélanger de Beauport est un brillant créateur de la scène des arts sonores et des musiques nouvelles. Du Québec. Il était avec nous à ce moment-là pour nous parler de ses influences, de ses projets. On le réécoute ce soir, nous parler de l'importance qu'il accorde au travail en collectif. Rémi Bélanger de Beauport. Oui, ben c'est le défi peut-être ultime de la musique qui n'a pas de règles. Plus on est de monde, plus faut essayer de gérer ça pour que ça donne quelque chose d'intéressant. Puis je pense qu'il y a une culture internationale du grand groupe ou de l'orchestre de musique improvisée. J'ai habité à Berlin pendant un petit bout, puis je me suis joint tout de suite aussi au Berlin Improvisers Orchestra. Donc, puis je pense que chacun de ces ensembles-là, ce qui est particulier, c'est que y a la hiérarchie chef et membre de l'ensemble est toujours, en tout cas, tous les exemples que j'ai vus est toujours challengé. On n'est pas dans le chef ou la chef qui décide tout ce qui va se passer, c'est puisque les personnes de l'ensemble, c'est des musiciennes improvisatrices, des musiciens improvisateurs, ben on a déjà des démarches où on a notre mot à dire. Puis là, tout d'un coup, on se ramasse tout le monde ensemble, on a chacun notre mot à dire, puis autant que la personne qui dirige ou qui est en charge. Fait que c'est peut-être ça, l'aspect philosophico, peut-être politique aussi, parce que finalement, quand plus on est de monde, plus on ressemble à la société dans laquelle on vit. Puis il y en a qui seront des leaders naturels, il y en a qui seront des suiveurs naturels, on en a besoin aussi. Il y en a qui seront des perturbatrices, des perturbateurs, il y en a qui préféreront faire du fond, il y en a qui seront un peu trop polis, il y en a qui sauront bien manier l'impolitesse. Fait que c'est ce que j'apprécie du travail de grand ensemble, mais c'est toujours c'est un défi, c'est aussi un gros défi d'administration, d'avoir autant de monde, puis autant de emails, puis il faut vraiment vouloir. Voilà Rémi Bélanger de Beauport qu'on vient d'entendre. Artiste sonore, vidéaste, musicienne et poète, Sylvie Chenard mène depuis plusieurs années un projet artistique multidisciplinaire quasi holistique, un projet qui explore à même les grandes questions écologiques et sociales de notre époque. Je la recevais à propos de ses récents albums intitulés « Lieu du temps » et « Siècle seuil ». Sylvie Chenard est une artiste aux horizons infinis, d'abord guitariste, chanteuse, poète, vidéaste, féministe et militante pour une société davantage solidaire. Inspirée par le chant des baleines et l'idée de les préserver, elle va réaliser entre 1989 et 2018 un vaste projet intitulé « Les projets de la baleine » qui cumule des expérimentations musicales et sonores, des univers poétiques et littéraires, ainsi que des œuvres vidéo. Je l'ai rencontrée la saison dernière à propos de sa passion pour la guitare. On écoute Sylvie Chenard. Ben, moi, je dirais qu'il y a peut-être un petit peu d'ADN là-dedans. Hein, si tu regardes dans les guitaristes au Québec, il y a eu Mario Chenard. Dans les habits jaunes, il y avait Gilbert Chenard, je crois. Il y a aussi Claudel qui semble avoir des liens avec les Chenard. Claudel, qui est guitariste aussi et chanteuse. Puis, moi, ben, la guitare, je l'ai abordée parce que j'ai connu des guitaristes qui m'ont montré toutes sortes de trucs. Puis, j'ai eu une guitare en cadeau, une vieille guitare qui était très difficile à jouer. Puis, c'est là-dessus que j'ai appris à jouer. Puis, donc, et j'ai jamais eu le goût d'abandonner la guitare. Je l'ai toujours continué à l'explorer. J'ai toujours continué à l'explorer, puis aussi à l'époque de mes 20 ans, bien, il y avait Joni Mitchell qui était excellente guitariste. Oui, les femmes guitaristes vont souvent être accompagner la chanson, mais il y a des guitaristes, puis il y en a de plus en plus de femmes guitaristes, de femmes exploratrices de la guitare. Puis plus jeune, moi, j'ai joué avec une guitariste à Montréal, Magali Babin, qui était guitariste à l'époque. Marise Poulin est multi-instrumentiste, mais elle joue de la guitare aussi. Puis dans mes influences, ben il y a les Québécois, oui. Puis il y a aussi les guitaristes américains. Puis plus proche, je dirais, les vieux disques de Derek Bailey, là. C'est pas mal à mon goût, ça, c'est pas mal déconstruit et minimaliste et doux. Dans les guitaristes plus commerciaux, ben Roberto Gismonti, Ralph Tanner, par la suite, Fred Frith, Andy Sommer, Bill Frisell, Marc Ribot. Ben c'est ça, c'était de très, très grandes influences. Puis les Québécois, ben c'est Claude Fradette, André Duchesne, René Lussier, Bernard Falaise, Antoine Berthiaume, Benjamin Proulx, Matos, puis Éric Cyr, lui, c'est un gars de Tadoussac qui est excellent guitariste. Alors, si on pense que je suis une mauvaise guitariste, je suis d'accord, parce que j'ai pas nécessairement recherché à être aussi bonne guitariste que toutes ces gens-là, mais je l'ai dans l'âme, je l'ai dans le cœur, je l'ai probablement dans l'ADN, le goût de la guitare, ce rapport à ce bel instrument qui est modifiable à volonté. Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Alors, grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres au cours de l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL, le 89.1, pour une autre aventure sonore. Alors voilà, ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Et pour terminer, je vous fais entendre un extrait du thème de l'émission, une réalisation de l'artiste sonore Lee Fraser. Alors, bonne semaine. Salutations.